Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Aventuriers de la Transition, le podcast qui vous présente des solutions simples pour vous aventurer dans la transition écologique. Moi c'est Elena et derrière le micro il y a Clément. Nous nous engageons au quotidien pour imaginer un monde meilleur. À travers ce podcast et autour d'une tasse de thé, nous avons envie de partager notre expérience et de vous donner des clés pour passer à l'action. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler vêtements. Rassurez-vous, il n'est pas question ici de mode ou de tendance, mais plutôt de l'impact écologique de ce que nous portons sur le dos tous les jours. Et pour introduire le sujet, je vais vous présenter la fast fashion. La quoi ? La fast fashion, c'est le petit nom donné à la deuxième industrie la plus polluante au monde, l'industrie vestimentaire. Vous savez, celle qui nous incite à acheter de plus en plus de vêtements et à les renouveler de plus en plus souvent. Son petit secret ? Vendre des vêtements de mauvaise qualité à des prix imbattables et renouveler les collections toutes les deux semaines à coups de promos et de publicités. Si vous vous demandez comment il est possible que cette industrie émette plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis, la réponse est assez simple. C'est toute la chaîne qui est impliquée. De la production de matières premières, en passant par la fabrication, la teinture, le transport, et jusque dans nos armoires, le secteur du textile engendre une pollution de l'eau et des sols, ainsi qu'une surconsommation de ressources et d'énergie. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler dans ce podcast, donc je vous mets quelques infos sur la page Podcloud de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus. Ici, on s'intéresse aux solutions, donc on va parler de la slow fashion. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ou qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, c'est le mouvement qui s'oppose à cette fast fashion destructrice. Et pour ça, je suis allée à la rencontre d'Alexandra, fondatrice de Miss Récupère Recycle, une friperie pas comme les autres. J'ai créé Miss Récupère Recycle il y a à peu près 10 ans, dans l'intention en fait de recycler le vêtement d'occasion et de créer une friperie qui soit pas une friperie classique dans le sens où il faut fouiller dans la masse, dans une tonne de vêtements pas bien présentés, pas lavés, etc., etc. Donc du coup, j'ai fait une étude de marché, j'ai trouvé un local et j'ai créé Miss Récup, donc avec du vêtement d'occasion récupéré gratuitement, les gens nous donnent. Cette partie, je vais ou la vendre à petit prix avec des vêtements qui sont propres, qui sont reprisés ou voilà, repassés, triés par taille, de façon à ce que les personnes qui n'ont pas l'habitude de vouloir fouiller du vêtement d'occasion, là c'est plus facile, c'est comme dans une boutique de vêtements neufs. Après, il y a encore une autre partie de ce qu'on nous aura donné. Je vais le transformer dans l'atelier couture avec lequel je vais fabriquer ou des nouveaux vêtements ou des accessoires. Donc là, c'est vraiment le recyclage pur. Après, il y a encore une autre partie que je vais redistribuer à l'association Appel Détresse. C'est une association qui remplit des conteneurs pour les plus démunis. Et en fonction de l'actualité, nous allons envoyer ces conteneurs. Haïti, Madagascar, parce que c'est les deux pays les plus pauvres au monde, où il y a le plus de misère, mais on a quand même l'embarras du choix au niveau de la misère, donc les réfugiés en France, les tsunamis, enfin voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y a encore une dernière possibilité, c'est tout ce qui n'est pas ni revendable, ni reportable, ni redistribuable aux associations, ni recyclable par nos mains, nous l'envoyons au relais et ils fabriquent de l'isolant avec. Voilà, ce qui fait qu'il ne reste plus rien. Et en parallèle, on fait les retouches, le sur-mesure et les cours de couture, on est bien occupés, quoi. Il est vrai que le marché de la fripe s'est beaucoup développé ces dernières années. Mais il reste assez minoritaire comparé à celui des grandes enseignes de prêt-à-porter. Pourtant, acheter ces vêtements d'occasion présente de nombreux avantages. La fripe, les vêtements sont en bon état, ils sont propres, en tout cas pour chez moi, et le coût. C'est-à-dire qu'au niveau gain à la fin du mois, quand on s'achète, vous voyez, là c'est les soldes chez moi. Un t-shirt, il est soldé à un haut, il est à 2,50€. Bon, je bats tous les records quand même. S'habiller à 2,50€, c'est quand même une robe à 5€. À la fin du mois, on fait vite le calcul. Moi, j'étais une maman seule avec deux enfants. J'avais pas les moyens d'acheter des vêtements neufs. J'avais 34€ pour manger et vivre par semaine avec mes deux enfants. C'est vite réglé. Hein. L'occasion, c'est quand même le top. Donc, que ce soit pour le coût, pour la planète ou même pour le plaisir, parce que j'ai plein de clients qui ont les moyens mais qui s'habillent en fripe parce que c'est le plaisir de fouiner et de faire des affaires. Un autre bénéfice de la fripe concerne notre santé. Car les vêtements neufs sont imbibés de produits chimiques, formaldéhyde, phtalate, perturbateur endocrinien, qui pénètrent dans l'organisme au contact de notre peau. Donc, en achetant des vêtements d'occasion, qui ont déjà été portés et lavés, on réduit l'exposition à ces substances dangereuses. Bon, ok, la fripe c'est bien, mais le problème principal avec les vêtements, c'est surtout qu'on en achète beaucoup trop. Chaque année dans le monde, c'est 100 milliards de vêtements qui sont vendus. On en achète deux fois plus qu'il y a 15 ans, mais on les conserve deux fois moins longtemps. Surtout nous les femmes, on achète en quantité, pas par besoin mais par envie. Du coup, on a des vêtements qu'on récupère dans la boutique qui ont été portés deux fois, une saison, cinq fois maxi, dix fois c'est wouh, c'est Noël. Des vêtements qui ont encore des étiquettes parce que bah, c'est bien beau d'acheter des vêtements sur Internet chez Amazon ou AliExpress, etc. Le souci, en fait, c'est que c'est des vêtements qui vont récupérer, c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne couleur, ça leur plaît pas, ils n'ont pas pu l'essayer. À la finale, ils ont la flemme de le renvoyer. Donc on se retrouve avec des tonnes de vêtements neufs qui ne sont pas aussi portés. Quand on achète un vêtement, bah, on favorise d'abord un vêtement de qualité plutôt que d'acheter en masse. C'est-à-dire regarder comment c'est fait, éviter le made in China, le made in Roumanie. Enfin voilà. Alors après, je sais que c'est compliqué parce que c'est hors budget aussi pour certaines personnes, mais regardez comment c'est fait quand même un minimum parce que vraiment le nombre de gens qui viennent nous voir dans l'atelier pour les retouches des vêtements neufs qui sont vraiment très très mal faits avec un tissu qui est pris de travers. Alors par exemple, c'est tout con, hein, la durée de vie d'un t-shirt est de 15 jours. Parce que comme c'est fait à pas cher, comme les employés ne sont pas bien payés, que les conditions de travail sont épouvantables, et qu'il faut être le plus rapide possible pour en faire le plus possible, eh bien, ils coupent le tissu de travers. Et comme le tissu est de travers, eh bien, une fois que votre t-shirt, vous l'avez lavé une fois, il tourne. Chut. Vous avez la couture qui se retrouve au milieu, tout est déguenillé. Comme ils ne surfilent pas pour un coup de temps, le surfilage, c'est ce qui empêche le tissu de s'abîmer. Ils ne le font pas. Bon, bah, évidemment, les coutures, elles se déchirent. En bref, quand on achète ses vêtements, que ce soit neuf ou d'occasion, on privilégie la qualité et non la quantité. Une autre information importante à regarder sur l'étiquette, c'est la composition. On distingue trois catégories de matières textiles. En premier, on a les matières naturelles, issues soit de végétaux, comme le coton, le lin, le chanvre, le jute, soit issues d'animaux, comme la laine, le cuir, la soie, le cachemire. Ensuite viennent les matières artificielles, qui sont fabriquées à partir de matières naturelles, mais qui nécessitent un processus de transformation chimique. C'est le cas de la viscose, du caoutchouc, du lyocell, qui est une fibre faite à partir de pulpe de bois. Et enfin viennent les matières synthétiques issues de la pétrochimie. C'est le polyamide, le polyester, l'acrylique. Vous trouverez sur la page de l'épisode un petit tableau récapitulatif très pratique. L'idéal, ce serait évidemment qu'on n'utilise que des fibres naturelles. On a quand même dans la nature de quoi faire pour qu'on ait des super matériaux. En plus, ils sont aussi chauds que rafraîchissants et sont de qualité. Mais le problème, c'est que il y a eu le polyamide, le polyester, qui c'est l'élastane, et les gens vont avoir du mal quand même à faire marche arrière à 100%, parce que ce sont quand même des matières aussi qui sont confortables, dans le sens où l'élastane, moi j'ai connu les jeans slim dans les années 80 où il n'y avait pas d'élastane, pour entrer dedans on était quand même à deux à tirer sur le jean pour fermer la fermeture, et pour passer les talons c'était quand même l'enfer. Donc, ne plus avoir de pantalon sans élastane, ça va être compliqué. Les gens, ils ont quand même... voilà. Et le polyester, c'est une matière qui coûte moins cher aussi, quoi. En même temps, quand il n'y aura plus de pétrole, ils n'auront pas le choix. Petit aparté sur le coton, il faut savoir que c'est la seule fibre naturelle à boycotter, sauf s'il est bio. Et oui, car la production mondiale de coton conventionnel est la principale consommatrice de pesticides et d'eau douce. Par exemple, fabriquer un jean nécessite l'équivalent de 285 douches. Donc on choisit son coton bio et certifié. Il existe différents labels, GOTS, Demeter, Ecolabel. Et pour les petits budgets qui ne peuvent pas se permettre le coton bio, le coton classique de seconde main est une bonne alternative. Enfin, avant de transiter vers une garde-robe 100% naturelle, on peut se tourner dans un premier temps vers les matières artificielles, qui sont plus accessibles que les matières naturelles et moins polluantes que les matières synthétiques. Maintenant qu'on a des beaux vêtements de qualité et ou de seconde main, il faut en prendre soin. Et ça, ça commence dès le lavage. On lave à 30 degrés sur l'envers ou à la main. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas laver leur linge et qui font tout bouillir. Et c'est catastrophique. On évite de mélanger les couleurs et le blanc. C'est le truc con, hein. Mais c'est les trucs vieille France. Enfin, nos mamies, voilà. Ils avaient tout compris, en fait. Après-guerre, c'était les rois du recyclage. Pour la lessive, il est préférable d'éviter les lessives classiques, car elles contiennent des parfums et des tensioactifs qui fragilisent le linge et polluent notre eau. D'autant que si on lave des fibres synthétiques, elles vont relâcher des microfibres de plastique qui finiront elles aussi leur course dans les océans. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce que l'on met dans sa machine. On peut commencer par se tourner vers une lessive écologique, labellisée EcoCert, ou on peut aussi faire sa lessive maison. Comme ça, on sait parfaitement ce qu'on met sur son linge et ça revient bien moins cher. Je fais ma lessive maison, hein, donc chez moi et ici, parce qu'on a une machine à laver ici bien sûr. C'est vinaigre, bicarbonate, percarbonate, des huiles essentielles, du savon noir, et ça lave hyper bien. Alors bah, c'est sûr, ça sent pas à 10 km la lessive. Le petit plus, c'est d'utiliser du vinaigre blanc comme adoucissant. C'est très efficace et ça permet aussi de réduire le calcaire dans la machine. Pas d'inquiétude, l'odeur s'évapore très rapidement au séchage. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des lingettes jetables anti-décoloration, Alexandra m'a donné une petite astuce. On peut utiliser des lingettes réutilisables en tissu, que l'on peut faire soi-même à partir de vieux t-shirts ou draps blancs. C'est pratique, mais ça reste moins efficace que le tri des couleurs. Mais même en prenant soin de nos vêtements, il arrive parfois qu'ils s'abîment. Un trou, une couture qui lâche, une fermeture qui coince, et bim, ça part à la poubelle. On peut facilement refuser de prendre part à ce gâchis en apprenant à repriser comme le faisaient nos grands-mères. Si on n'a pas les bases en couture, pas de problème. Il existe plein d'endroits pour faire réparer ses vêtements ou pour apprendre à le faire soi-même. Dans tous les ateliers de couture, hein, quasiment, à partir du moment où vous voyez retouche sur l'enseigne, vous pouvez faire réparer vos vêtements. Moi, je crois que je bats le record cette semaine de bouchage de trous. Alors, c'est pas plaisant pour une couturière, mais bon, c'est une retouche, hein. Puis après, je comprends les gens. Ils ont des jeans préférés, des pantalons préférés, des shorts, des jupes. Voilà, ils font des trous dus par l'usure ou par des accros. Changez les fermetures, parce que bah, le même problème que pour les vêtements, c'est-à-dire tout ce qui est mercerie, qualité du fil, qualité des fermetures zip, et bah, tout ça, c'est de la mauvaise qualité. C'est fabriqué en Chine aussi, malheureusement. Et du coup, bah, ça casse. Donc, vous achetez un pantalon, vous le portez deux jours, la fermeture, elle casse. Les retouches pures pour que le vêtement soit plus ajusté ou plus grand, on en fait un peu. Mais boucher les trous, changer les fermetures, faire des ourlets, enfin voilà, c'est surtout de la réparation de vêtements. Parce que les gens, quand même, mine de rien, réparent de plus en plus. C'est pas tout le monde, mais ça répare de plus en plus. Il y a quand même un cas de conscience qui est là maintenant. On arrive maintenant à la fin de vie du vêtement. Ou du moins, sa fin de vie avec nous. Sachant qu'en moyenne, on ne porte qu'un tiers des vêtements présents dans notre garde-robe, l'étape du tri est essentielle avant toute chose. Pour ça, chacun a sa méthode et Internet regorge de conseils et d'astuces sur le sujet, je vous laisse aller chercher celle qui vous convient le mieux. La seule chose à bien garder en tête, c'est qu'il vaut mieux avoir peu de vêtements, mais de bonne qualité. Mais voilà, une fois que le tri est fait, la grande question c'est comment se débarrasser de tous ces vêtements ? Le plus souvent, malheureusement, c'est direction la poubelle. En Europe, c'est 80% des textiles qui sont jetés dans la poubelle des ordures ménagères et qui finissent donc incinérés ou enfouis. C'est une aberration car beaucoup de ces vêtements pourraient encore être portés ou au moins recyclés. Et pour ça, il existe plein de solutions. Les bornes du relais éparpillées, et il y en a partout, hein, dans toute la France. Si c'est pas le relais, il y en a d'autres. Hein. Donc... Il y a quand même de quoi donner les vêtements, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, Miss Récupère aussi, Dingue Fringue, sans compter que on connaît aussi des gens autour de soi qui ont certainement besoin. Moi, par exemple, je travaille ici, j'emmène mes vêtements ici. Bon, c'est facile, j'y travaille, mais pas que. J'en donne aussi, c'est-à-dire je fais de l'échange, du troc. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se font des petites réunions, apéro, et elles échangent leurs fringues entre copines. Ça se fait de plus en plus. Puis il y a les vide-greniers aussi. J'ai envie de dire que mon métier, il est extra génial, que je kiffe la couture toute la journée et que je vois du monde toute la journée qui m'apporte des fringues, qui me donne les fringues avec super plaisir. Vraiment, les gens, ils sont ravis de donner et de recycler. Il y a des clientes qui n'achètent que chez moi maintenant, qui sont super fidèles et qui sont d'une gentillesse. Enfin voilà, c'est vraiment travailler dans le recyclage et un travail manuel comme la couture, ça apporte vachement de plaisir, que ce soit avec le produit et avec les gens. Et je ne changerai pour rien au monde mon métier. Donc, avant de donner ces vêtements, on peut rapidement les trier en fonction de leur état. Ce qui est en bon état peut être échangé ou vendu via les vide dressing, les plateformes en ligne comme Vinted, Le Bon Coin ou les troc parties. Et ce qui est abîmé peut être donné à des organismes et des associations qui s'occupent de la collecte de vêtements. Il en existe plein et vous pouvez trouver des points de collecte près de chez vous sur le site lafibredutri.fr. Il est important d'encourager la collecte de vêtements, car sur les 9 kg de textiles et chaussures qu'un Français achète chaque année, seulement 3 kg sont collectés et triés pour être réutilisés ou recyclés. Pourtant, il y a près de 40 000 bennes de collecte en France. Elles sont gérées par différents organismes et associations. Les trois plus gros acteurs sont Le Relais, que vous connaissez sûrement, Ecotextile et GBTex. Renseignez-vous sur les bennes près de chez vous, car ce n'est pas toujours la même finalité selon le collecteur. Je vous conseille aussi un documentaire très intéressant sur ce sujet, qui s'intitule « Vêtements n'en jetez plus », réalisé par Elsa Aharfi, produit par Elephant Doc et diffusé sur France 5. Il explique le fonctionnement d'un centre de tri et les différentes filières de valorisation. 6000 kilos collectés chaque jour dans des bennes qui arrivent ici pour être triés. Il faut faire de la place pour nos vieux habits qui vont commencer ici leur deuxième vie. Premier critère de tri, voir si les vêtements sont encore métables. Les trieuses, leur rôle ici, sur ce poste, c'est d'enlever le réemploi. Dans le réemploi, on a deux choses. On a le bac qui est derrière, où on a du deuxième choix. Et puis les cartons ici, où on a du premier choix, qui est quasiment neuf. Il n'y a pas de défaut dessus. C'est ce qu'on recherche en premier, à la base. Hein. C'est le vêtement parfait état. Bon, en plus, là, c'est une marque. Ça, on sait que ça va se vendre sans problème. Ça, par exemple, il est un peu abîmé. Il y a encore un peu de tâches. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est un vêtement qui est passé. On voit bien qu'il est un peu peluché. Il n'a plus trop sa couleur. Maintenant, il n'est pas abîmé, il n'est pas troué. Ça représente bien ce qui va se vendre en Afrique, qui ne se vend pas en France. Seulement 5% de vos vieux vêtements restent en France, revendus à des friperies ou des boutiques solidaires. Le reste part à l'étranger, principalement en Afrique. Quant aux vêtements qui ne peuvent plus être portés, on trouve toujours un moyen de les recycler. Alors les filochages, c'est ce qu'on a ici. La laine, c'est très peu vendu en réemploi parce que même quand elle est un petit peu portée, à moins qu'elle soit vraiment toute neuve avec l'étiquette, mais sinon, dès qu'elle est un peu portée, elle a tendance à se détendre. Du coup, ça part donc chez des effilocheurs qui font du produit isolant avec, ou aussi pour faire du rembourrage pour les sièges de voiture. Donc après, on a une autre famille de catégories pour valoriser les vêtements qui se fait à partir du coton abîmé. Donc c'est-à-dire soit taché, troué, et on les vend à des entreprises qui le coupent pour faire du chiffon d'essuyage. On arrive à la fin de cet épisode. Vous voilà maintenant paré pour transformer votre garde-robe de façon éco-responsable. On récapitule. Petit 1, on achète moins de vêtements. Pour raisonner ses achats, on peut utiliser la méthode bisou. B pour besoin, I pour immédiat, est-ce que je peux attendre quelques jours avant de me décider ? S pour semblable, est-ce que j'ai déjà un objet de la même utilité? O pour l'origine du produit et U pour son utilité. Vous trouverez sur la page de l'épisode la super infographie à télécharger. Petit 2, on privilégie la qualité et la seconde main. La qualité, avec des matières naturelles et certifiées bio. Pour la seconde main, on va chiner dans les dépôts-ventes, les friperies et sur internet. Petit 3, on prend soin de ses vêtements. En les lavant moins souvent, à 30 degrés, avec une lessive écologique ou faite maison. Petit 4, on les fait réparer ou on apprend à les repriser. Et petit 5, surtout, on ne les jette pas à la poubelle quand on n'en veut plus. Soit on essaye de les revendre ou de les échanger, soit on choisit de les donner. J'aimerais finir cet épisode sur une petite réflexion personnelle. Dans notre société très portée sur l'apparence, le dictat de la mode a complètement uniformisé les styles vestimentaires. Je pense qu'agir en conscience sur notre façon de s'habiller, c'est aussi apprendre à se réapproprier la mode et à créer son propre style en se détachant des tendances qu'on nous impose. Je pense aussi qu'il faut savoir prendre du recul sur notre apparence, car nos vêtements ne définissent pas qui nous sommes. C'est en apprenant à s'aimer soi-même, et pas juste en aimant ses vêtements, que l'on arrive à être bien dans ses baskets. Where did you go? Are you hiding up in the sky? Are you behind the clouds? Will you come back home? I'm sick of waiting now. Do you even miss me anymore? Do you even miss me anymore? Merci d'avoir écouté ce premier épisode des Aventuriers de la Transition. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous écrire vos retours. Vous pouvez vous abonner pour être tenu informé des prochains épisodes et suivre notre actualité sur Facebook et Twitter @GaiaProd. Toutes les infos et les sources de cet épisode sont disponibles sur notre page Podcloud à l'adresse ladt.lepodcast.fr. À bientôt! Keeps staring at me, a smile he swims away from me. Do you think it's forever gone?